Le quart d'heure vaudois par Samuel Chevalier. Alors, tu cherches un domestique ou quoi? Oh là non! Pourquoi? Mais je te vois plonger dans le journal en nous attendant. Bonsoir, Jean. Bonsoir, messieurs. Si je cherche un domestique, c'est toujours pas dans cette rubrique que je ferai des fouilles. Ah, quelle rubrique lis-tu? La conférence de la paix. Et ça m'agace, ça m'agace. S'il nous fallait avoir des domestiques qui travaillent de la sorte, à moi la peur. Nous faudrait joliment nous lever à 2 heures le matin pour avancer à l'ouvrage. Mais ça ferait peut-être comme le dernier domestique qui s'était engagé chez le baron. Qu'est-ce qu'il avait fait, celui-là? Vous connaissez le baron? Il est toujours un peu pressé. Oh, alors ça, là, vous pouvez le dire. Heureusement que ça n'est pas un énervant pareil qui a fait l'almanach. Parce que sans ça, on commencerait à bourrer sa pipe au nouvel an. On n'aurait pas tiré une bouffée qu'il faudrait déjà faire les foins. Et alors, ce domestique, il était tombé sur un plus vif que lui ou quoi? Pareil, oui. Enfin, ce qu'on m'a raconté, c'était le premier matin qu'il travaillait. Ça fait que le baron lui fait... Voyons, vous allez d'abord vite aller à l'herbe, et puis vous vous dépêcherez vite de traire. On gouvernera vite, comme ça on pourra tout de suite aller au champ. Ah, vite, vite, vite, oh, je l'entends. Ah oui, seulement le domestique, qui ne se laissait pas impressionner pour si peu, lui a répondu du tac au tac. Écoutez, patron, je suis obligé de vous demander de me donner vite un moment, parce que je veux vite aller dans ma chambre, ramasser mes affaires, et je veux vite m'en aller. Que je trouve vite une autre place où on est moins pressé. Oh, ben alors, c'était bien son âme au baron. Cette manie qu'il a d'être toujours en avant sur sa montre. Trop, c'est trop. Non, c'est bien comme disait mon père. C'est inutile de t'encourager, va. Le cimetière est à 2 pas du village. On arrivera toujours assez tôt pour avoir une bonne place. Oh, puis c'était pas ça. Et puis alors ça, alors, ton papa... C'en était un qu'on ne lui faisait pas prendre ce qui bouge, pas ce qui rapporte. Ah, Dieu, non. Seulement, quand il s'est eu agi pour lui de partir, enfin, à la toute, quoi, il t'a accepté avec un calme, on aurait dit qu'il préparait ses comptes pour la paye du lait. Respect. C'est pas comme cette bande de tatipotes qui taclent dans leur conférence avec leurs résolutions, leurs sous-résolutions, leurs manigances. Et leur droit de veto. Oh, alors ça, c'est le comble. On fait venir des gens de partout, des blancs, des noirs, des jaunes, et du monde convenable, hein, bien habillés. Ils gagnent joliment sa vie. Ouais. Et on leur dit, la séance est ouverte. Vous pouvez discuter, ergoter, tabousser à longueur de journée. Nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Mais on ne veut pas vous prendre en traître. Il est bien entendu que si on n'est pas d'accord avec vous... Eh bien, ça compte pas. C'était à De Gaulle. On efface l'ardoise et puis on recommence. Ah, tu ne crois pas si bien dire avec ton ardoise. Le droit de veto. Mais c'est comme si on jouait au yas les trois, là, pour le demi, en sépoutre. Mais qu'il soit bien admis une fois pour toutes que seul le caviste a le droit d'avoir le bourg. Ça serait-il du jeu ou quoi? Eh bien, moi, ça m'arrangerait encore assez, après tout. Eh bien, tous ces pays qui se sont déplacés pour cette comédie, pour moi, c'est des gamins qu'on envoie à l'école. Ni plus, ni moins. On leur fait faire des compositions. Et dites tout ce que vous pensez. Eh? Mais c'est les 4 régents qui mettent les notes. Toi, mon petit, on te met 5 parce que tu es impertinent. Manquer de respect aux grandes personnes, sale gamin. À cette différence près que les 4 régents ne sont pas souvent d'accord entre eux. Alors, et qui se donnent des grands coups de pied sur le pupitre. Ce qui n'arrange rien. Vois. Tout ça, c'est de la brouillerie, ni plus ni moins. Pour moi, c'est ou bien. Ou bien on discute avec des égaux, ou alors on se tait. Mais alors, qu'on le dise, et qu'on nous cause d'autres choses. Oh, je crois que vous généralisez un peu, Carvis. Ah ouais, ouais. Et comment ça? Moi, je me dis que le suffrage universel et le droit de veto, ça n'est pas si contradictoire que ça. Ah ouais, eh ben ça m'intéresse de voir comment vous taguillez ça. Eh bien, prenons le canton de Vaud. Et alors? Tous les citoyens sont égaux. Ben, je pense bien. Et donc, le suffrage universel dans sa plus parfaite réalisation. Bon, mais justement, le droit de veto... Le droit de veto, il existe, et il fait bel et bien contrepoids. Seulement, c'est les femmes qui le détiennent. Oh, charrette de raisin. Dans le fond, il n'a pas tout tort. Ça n'est pas dans la Constitution, mais... c'est dans la nature des choses. Il faut bien reconnaître objectivement que la femme du syndic, hein, elle a autant à dire dans la commune que la bonne électeur réunie. Faut pas exagérer. Enfin, si tu veux, ouais. Enfin, c'est pas de sa faute, après tout, si c'est une femme de bon sens. Toujours avantage à discuter de ci, de ça. Personne ne dit qu'elle a tort. On constate, puis c'est tout. C'est pour dire que dans ces sortes de choses, il ne faut pas généraliser. Le droit de veto, c'est vieux comme le monde. Ce qui reviendra à dire, si je comprends bien, que les vieux garçons, comme le régent, sont seuls à user pleinement de leurs droits civiques, sans veto préalable ni rien. Voilà, vous, comme vous y allez, au contraire, Carviste, au contraire, un homme marié, il ne compte qu'avec une femme, la sienne. Tandis que le vieux garçon, il doit faire bien attention au moindre de ses gestes. Parce que les femmes, il les a toutes contre lui. ben ça n'empêche que ces gaillards de la conférence, ils devraient bien faire comme les femmes et cacher un peu leur jeu. Il est un peu trop voyant, leur droit de veto. Mais alors, c'est vouloir l'impossible, voyons. Tu pourras prendre le plus fin diplomate du monde avec 200-300 divisions sur pied de guerre pour appuyer ses arguments. Va bien, ça sera un homme puissant. Mais d'ici à en faire une fine mouche, comme la première femme que tu rencontreras à la fontaine, alors ça bernique, mon ami. Les hommes? Mais on est victime d'une malfaçon à la fabrication. Il n'y a pas à tousser, hein, faut voir ce qu'il y a. Pour la malice, on est en queue du cortège. Après la femme, la chatte, la chèvre et Dieu sait. Eh ben, tu nous astiques, pauvre ami. Et c'est toujours la même histoire. Il y a ceux qui sont puissants, et ce qui me réconforte, moi, dans toute cette diplomatie, c'est que ces grandes puissances, si grandes et si puissantes soient-elles, elles ont peur des petits États. Il n'y a qu'à voir le luxe de précaution dont elles s'entourent pour se défendre. Ouais, c'est la vergogne, ça. Quand ça serait, après tout, ça serait ça de prix, déjà. Et quand tu dis la vergogne, syndic, tu n'as peut-être pas tant tort. En tout cas, moi, ça me rappelle le mot d'un qu'on m'avait raconté. C'était un gros paysan d'un de nos villages. Oh, il pense à connu, ça date déjà d'un paire d'années. Et puis, c'était pas dans le vignoble. Que bref, ce gaillard avait eu des sales histoires. Ouais, des affaires de pointe-manière avec des gamines. Oui, un caillon. Oui, ma foi. Ça fait qu'il s'était fait attraper, puis qu'il avait bel et bien écopé 3 mois de clous. Justement, c'était là que ça se passe, ce que je vous dis. C'est l'aumônier qui est venu un jour lui faire visite, comme ils font, n'est-ce pas ? L'histoire de l'encourager, puis d'y redonner goût à la vertu. Oui, ça doit être un métier ingrat, ça. Oh là, oui. C'est de ces métiers où il faut bien que les gens soient payés au fixe. Parce que s'ils gagnent à la pièce, il y a des mois où, malgré tous leurs efforts, ils ne s'en sortiraient pas. Enfin, bref, que de fil en aiguille, l'aumônier lui fait, quand vous sortirez d'ici, vous comptez rentrer au village, ma foi oui, il vous faudra vous armer de courage, mon ami, les premiers temps, ça ne sera pas tout rose. Et c'est là que le bonhomme y a répondu à l'aumônier. Voyez-vous, monsieur le pasteur, ce que je crains, ce n'est pas tant les gros, hein. Avec les gros, on s'entendra toujours. Mais ceux qui me font peur, c'est ces tserpes de petits qui sont bien capables de se foutre de moi. Ces tserpes de petits, c'est bien dit ça, alors. Et ces roses de gaillards qui, non contents d'être pauvres, ont encore tout fait de se moquer d'un riche. Eh bien, m'est avis qu'à cette conférence de la paix, il y en a qui ne faudrait pas t'appousser pour qu'ils se fâchent contre ces tserpes de petits états. Oui, de ces sortes de mendiants que ça n'est même pas fichu de mettre 2 millions d'hommes en uniforme et que ça prétend quand même avoir le droit de vivre comme il leur convient. Tenez-vous, ou l'orgueil va quand même se nicher, ouais. Santé. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. On refait ou quoi? Pardon. Moi, ça n'est pas tant pour boire, non. Oh, je ne crache pas de dingue, non. Mais je viderai mon verre, rien que pour le plaisir de voir le régent le remplir. Tant que ça? Ah, ça oui. On doit bien le dire, régent. Vous avez un joli verset, bon amateur. Mais t'as vu qu'il doit souvent s'exercer à la maison devant sa glace. Il a juste l'arrondi du bras qu'il faut. Comme si la vie était le demi à une valse. Et le coulait tranquille, régulier. La refrain, là, juste au moment qu'il faut. La reposée nette, aplatue, cendre lentille. Ça a dû finir, hein. Versez voir, Régé. Voyons. Un joli bruit, hein? Et le jour où on aura inventé des réveils matins qui fassent ce bruit-là, ben ça m'est égal d'être réveillé trois fois la nuit. Probable que c'est comme ça que ça se passe au paradis. ça me rappelle, on causait tout à l'heure de l'aumônier du Bossu. Une bonne qu'en avait fait un qui venait d'être nommé là-bas. Oh, il y a de ça un bon moment. Enfin bref. Et puis forcément que notre homme était ministre dans un village, ici ou là, quoi. Enfin, dans une cure. Ça fait que quand on a eu appris qu'il allait s'en aller, on a naturellement fait une fête. Comme on fait toujours, quoi. Oh, c'est en général le seul jour où les pasteurs et les instituteurs entendent des choses aimables de la part des autorités. Même que des fois, dans l'émotion générale, ils doivent se retenir pour ne pas rester. C'est de la saine économie, va. Comme il n'y en a pas les villes, à ce qu'on a dit à l'hôpital, qui en place de couper en 30 rations la petite brique de beurre qu'on leur donne chaque mois, s'en prive tout le mois et se fait une fois pour toutes, dimanche soir, une de ses tours à s'en relécher les babines. Sa sointe de beurre, toute la ration du mois y passe, mais au moins, ils en ont senti le goût. Eh ben, c'est logique, ça, et c'est bien un peu comme ça qu'on pratique pour les compliments aimables à l'égard du régent et du ministre. Dommage qu'être conservé des fois pendant 30 ans, si les compliments finissent par sentir Laurence. Oui, il faudrait les aérer de temps en temps. Mm-hmm. Pris note. Enfin, que bref, c'est ce qu'ils avaient fait avec le leur. Grand branle-bas, bruisselet, merveille, thé joyeux et discours affiné. Tout le village s'est élevé au moins une fois pour dire comment on regrettait de voir ce ministre s'en aller pour s'enfermer dans ce bossu. Ça fait que pour finir arrive le moment où le pasteur devait répondre à tant d'amabilité, enfin comme il se doit, le voilà qui se lève et qui commence. Mes chers paroissiens, si j'ose vous appeler encore ainsi en ce jour de départ, il a été écrit, ne vous lamentez point, je vais vous préparer une place. Au bocheux. Ma fille, fallait bien le croire. Eh ben, c'est ce qui s'appelle avoir le dernier mot dans l'histoire. C'était court et bon. Et sûrement d'une sincérité inébranlable. Dites-moi, syndic, qu'est-ce que c'était que ce scandale qui s'est passé l'autre jour au bas du four? Ah oui, oui, justement, on raconte pas le village. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Ça, rien du tout, ça, c'est une histoire de sous-lord. Le char, c'était issu au Bretz. Le Bretz, c'est... Le frère au grand putu. Oui, c'est qu'a marié la fille à Colosse. Je vois. Et il n'habite pas le bas du four? Mais bien sûr que non. Et l'autre, c'était le Mafelan? Mais naturellement. Ah, c'est deux. Le Bretz et le gros Mafelan, c'est affreux. Ils peuvent pas se sentir. Ouais, mais en place de se tenir à distance, voilà, ils sont tout le temps se courater après. Ils se font des mamours, et puis de demi en demi, les voilà d'abord prêts à s'agaffer. Enfin, du gamme une rue. Santé. Conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. C'était une émission de Samuel Chevalier, le quart d'heure vaudois. Thank you. Thank you. Tout à l'heure. Il est rencontré avant d'entrer. Il arrivait de la gare. Oh, il sera d'abord là, alors. Fallait qu'il aille faire rapport au caporal de Charbrig. Elle est autoritaire, sa femme. Oh, non. On le signe comme ça, le syndic, par habitude, mais la Louise, c'est une douce. Oui. Elle a comme ça une organe un peu fleuronnant, c'est ça qui fait. Mais en dedans, elle a autant de méchanceté que dans un pudding aux grillettes. Mais lorsqu'elle l'a, c'est la curiosité, comme un courant d'air qu'elle est. Ça s'explique assez, n'est-ce pas? C'est une casanière. C'est tout juste si elle va une fois à Lausanne de 7 ans 14, disons. deux fois de l'an, tout pour tout. Alors forcément, ce qu'il en sort un peu, c'est de savoir tout ce qui se passe au village avant le monde. Ça, non, elle y tient. C'est à cause de ça qu'il a fait nommer son nom syndic. Ah, parce que c'est quand même elle qui l'a poussé. Forcément. Ah. Vous connaissez le syndic, lui. Ses champs, sa vue, sa cave, son écurie. Il n'en demande pas plus. C'est un songe creux, notre syndic. Je me rappelle quand il était gamin, dès qu'il avait un moment à soi, où le voyant covassé dans un coin avec un livre. Ouais, ouais. Ouh, il a eu dévoré de ses imprimés. C'est formidable. C'est du reste pour ça qu'il est comme ça instruit. Ça vient de son air, le syndic. Il en sait plus que bien de ceux qui rôdent avec des serviettes de l'oignon et tout. Et ça ne me gêne pas dans la vie. L'instruction, ça n'a jamais gêné un homme. À condition qu'il l'oublie. Comment ça, l'oublier? Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est comme au service. Eh bien voilà. Tout ce qu'on apprend au service, ça commence par une théorie. On décompose les mouvements et tout, c'est nécessaire. Oui bien. Mais un qui devant l'ennemi aurait besoin de se refaire toute la théorie avant de se servir de sa carabine, eh bien s'il a, il n'en aurait pas pour longtemps se servir de son œil. Évidemment. Eh bien c'est la même chose avec l'instruction. Vous avez de ces gaillards qui se croient instruits parce qu'ils ont une théorie toute prête pour n'importe quoi. Eh bien dans la vie, c'est des grands boulots. Je dis bien deux. Et non pas bas, le perroquet ça va, rien de plus. Le savoir, ça va comme qui dirait, se litière dans la tête. C'est comme ça chez le syndic. Mais en somme, c'est parce que sa femme est casanière que le syndic doit sortir assez souvent. Il y a de ça. Et tant mieux, parce que s'il avait été mal appareillé, il avait joliment de chance de tourner à l'enchiquebol. Au fond, les plus belles paires, c'est celles qui ne se ressemblent pas trop. Regardez-moi seulement l'attelage au syndic, hein. Ah ben c'est typique. Il a son cheval, l'Adolphe, qui l'aiguille. C'est un cric, pour la force, il n'y a pas mieux. Mais ça est mou, ça pointe tempérament. Tandis que la jument, elle, c'est une flemmarde, mais sympathique comme tout. Elle voit courir le vent. Et puis nerveuse, quand tu as un coup de collier à donner, elle traînerait l'église avec le clocher. Mais 5 minutes, pour les efforts de durée, et ça remet à l'Adolphe. Elle a raison, c'est ça partout, à l'Adolphe. C'est comme ça qu'on fait une attelage réussie. Ça me rappelle un jour que je les ai rencontrés tous les trois, le syndic, l'Adolphe et la jument qui montaient la corniche avec un char joliment chargé. Et puis une de ces ravers d'autres affreux. Quand je les rencontre, j'ai bien vu que ça ne biche pas. Ces deux bêtes avaient leur tendu sur cette limonière, oui bien. Mais l'Adolphe, lui, il était couvert de sueur, tandis que la jument, elle, elle était fraîche comme la main. Vous auriez dû voir ce regard qu'elle m'a fait. Elle riait, là. On vous assure, elle riait de toute la figure. Elle ne tirait pas plus que moi. Elle faisait semblant. En réalité, c'était l'Adolphe qui ringuait tout le char. Au fond, les bêtes, c'est aussi rose que les gens. Par Dieu, même que le plus souvent, c'est à cause de leurs défauts qu'on les apprécie le plus. Comme les hommes, exactement. Ah, et voilà le syndic. Salut, syndic. Bonjour. T'as été te rechanger ou quoi? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oh, tu n'as pas l'air tant de peintre ce soir, syndic. Oh, tais-toi, je ne peux pas me ravoir. Mais qu'est-ce qui t'a encore fait, Palosane? Ce qui m'en fait? Moi, je crois bien que le monde est en train de revenir païen. Ah, ça, on s'en doutait un peu. Mais c'est bête de t'en apercevoir un samedi soir, ça va te gâter ton dimanche, syndic. Mais je me mets à votre place. Vous connaissez le bois des cils, oui. Mais malgré plus qu'on ne le connaisse pas, on y a eu le temps assez fréquenté dans le temps. Heureusement qu'on en a profité. Mais c'était le dernier moment. Vous voyez de quoi on cause, Richard. Oui, hein. Ce joli petit bois qui recouvre toute la crête. Oui, c'est la première chose qu'on a dans l'œil quand on sort de chez soi. Ça fait partie du paysage d'ici, quoi. Outre que c'est une rareté. Paraît que c'est le seul et unique petit bout de bois qui arrive jusqu'au lac sur la rive suisse. C'est une originalité, ça. Alors, eh bien, regarde-le bien, ton bois. Parce que dans un paire de temps, il n'y sera plus. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y sera plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il n'y sera plus parce qu'il y a des gaillards de par Lausanne qui travaillent avec la monnaie d'un Richard quelconque. Paraît que c'est un hindou. Ouais, ouais. Il a déjà racheté la moitié de Lausanne. Oh. Maintenant, il a acheté ce bois. Et puis, on va le raser. Mais tu vois les belettes, ça dit. Le raser, pourquoi? Ça n'est pas pour le crouille-bois qui doit y avoir sur pied que ça vaut la peine ou quoi? Ouah, on va le raser pour en faire une gravière, toute d'immeuble. Non, de sable! Mais c'est pas permis! Mais c'est ce qui te trompe, mon ami. Moi, j'ai reçu une avis ce matin. Mon sang a fait un tour. J'ai eu juste le temps de me rechanger, de sauter à la gare. À 10h, j'étais au département. Respect! Et alors? Rien. Écoute bien ce que je te dis, caviste. Ils ne valent pas grand monnaie par là-bas. Bon, tu t'énerves, ça, dit que tu bois rose. Tu crois qu'il n'y a pas de quoi? C'est tout simple, paraît. Du moment que ces gaillards ont décidé, chiffre en main, qu'en exploitant une carrière là, ils gagneraient 3-4 sous de plus au mètre cube, qu'ils ont amené la monnaie et racheté le bois, qu'ils ont déposé des plans et tout, et ben voilà, il ne reste plus qu'à abattre. Puis moi qui suis syndic de la commune, je n'ai qu'à regarder faire. Paraît que c'est une industrie nouvelle, que ça fera la propriété et la prospérité de la commune. Bon, c'est ce qu'il faut s'entendre dire. Et puis l'année prochaine, je pense qu'ils vont racheter le village pour y mettre leurs concasseurs, et on nous prouvera que c'est dans notre intérêt et qu'on est des sauvages de tenir comme il est au village. On ne comprend rien à la vie moderne et tout. Quand je pense que sur la table du chef de service, il y a une pile comme ça de lois et de règlements. Ouais, protection des sites, plan d'extension, plan de ci, plan de ça. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, ouais non. On ne s'occupe pas de ces petits détails. Oh, quand on veut demander la permission de transformer les cabinets d'un café à Lola, pauvre ami, on en a pour 2 mois ergotés. Et des plans doubles, des experts, une commission de recours et des avocats comme si on avait mis le nez dans un nid de guêpe. Parce que ça, c'est important, les cabinets d'une pinte. C'est protégé par la loi. Mais une crouille forêt qui n'a que le mérite d'avoir été regardée par tous les habitants du coin 3-4 fois par jour pendant 200-300 ans, ça ne vaut même pas la peine d'en causer. Des fins coquins que je te dis. Nom de sort, j'ai la tête comme un coquemard. Moi, je voudrais pouvoir enlever le couvercle pour que ça gicle une bonne fois. Moi, ça indique qu'il n'y a vraiment rien à faire. Pareil. Enfin, on a bien voulu me dire, avec toutes sortes de réserves et tout, qu'on allait voir essayer. Faudra faire intervenir Berne. Allons, on n'est plus assez grand pour se défendre même au jour d'aujourd'hui. Il faudrait bien. Conseil suprême de l'ONU, que ça me serait bien égal. On pense ses amis où on les trouve. Si je dois me naturaliser hindou pour sauver cette forêt, j'en tombe d'accord. ça tirait des freins avec un foulard autour de la tête. En tout cas, écoutez bien ce que je vous dis. Le premier qui se réapplique dans ce bois avec un outil, je le fous au lac, tête première. Et puis qu'est-ce que t'en auras de plus? Et te mettre en prison? Ouais, ben ça me fera l'occasion de me mettre au régime. Depuis le temps que la maman trouve que je congestionne. Et puis au moins en prison, on sait à qui on a affaire. Les coquins s'y appellent coquins, ça les rend plus fréquentables. Ouais, mon ami, mais c'est joliment dangereux, les coquemards, quand ça bout trop fort. Il te faut y mettre une golette de... Ouais. Santé, ça dit. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Oh, dis donc, c'est pas la voiture du docteur qui vient de passer. Je crois bien que oui. Et puis j'ai rencontré l'auto du vétérinaire en venant de la gare. Ah ouais, ça c'est Jules. Il y a bien des misères cette année, c'est Jules. Il n'y a pas une bête qui réussisse. Et puis sa belle-mère qui ne va pas tant bien non plus. Oh, ben là, ça se lave. Elle aurait besoin de rajeunir. Et le train du monde, quoi. Ouais. Tout est relatif, quoi. Ah, c'est le cas de le dire. Ça me rappelle la jolie histoire qu'on m'avait racontée du docteur et du vétérinaire. Laquelle? Oh, je t'ai eu raconté, mais tu l'auras oublié. C'était soi-disant deux, un docteur et un vétérinaire, qui avaient fait leurs études ensemble, puis qui pratiquaient dans le même endroit. Ça fait qu'ils étaient grands amis. Et puis un soir, ils discutaient. T'as bien de la veine que faisait le vétérinaire. Au moins, toi, tes clients, quand ils sont malades, ils peuvent te dire où ils ont mal, tandis que les bêtes, rien de fait, mais faut toujours tout deviner. Pardi, que répond le docteur, mais c'est justement pour ça que je t'envie, parce qu'au moins, toi, t'es malade. Ils ne sont pas tout le jour à gnoquer, à plaindre et à te traiter de tout. Et puis, si tu les soignes de travers, ni vu ni connu... Il y a bien le paysan. Oh, bien sûr, mais comme ce n'est pas lui qui a mal, il est plus tolérant. J'avais que 2-3 jours plus tard, voilà le vétérinaire à plat de lit. 39 de fièvre, mal à la tête, la grippe ou quoi. Il fait venir son ami le docteur. Et quand le docteur commence à l'ausculter, il se rappelle leur conversation de l'autre jour. Et motus, pas moyen de lui tirer un mot. As-tu mal? Silence. Et quart d'heure de cette musique à une voix. C'était pas ça, Pardine. Comme ça, le docteur a bien dû se rendre compte. Ben oui, qu'il s'en est rendu compte. Parce que le voilà qui commence à le tripoter, à y ouvrir la bouche, à y passer le ventre. Et quand il a fini, il appelle la femme du docteur et il dit « Écoutez, madame, pour ce soir, donnez-y double ration de purge. Je vais vous porter un paquet. Et puis demain, si ça n'a pas tourné, il faudra la battre. » C'était cruel. Ah, je parie que le vétérinaire en a retrouvé la parole d'un coup. Je fais à la bataille. C'est bien ça. Pourquoi tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients? Il n'y a que ceux qui ne font rien qui passent à travers. Oui, encore. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est justement les gens qui n'ont rien à faire qui sont les plus écorchés. Eh oui. Et ça me rappelle ces brise-brise que j'ai chaque été avec nos gaillards de la ville qui viennent en vacances par nos coins. Ils sont pénibles ou quoi? Wow, c'est des tout braves. C'est ma voilà, j'en ai des qui aiment la campagne, alors pendant toute l'année, ils se réjouissent de venir vivre dans la pleine nature, comme ils disent. Souvent, il arrive ceci, c'est que la campagne, ils la confondent un peu avec la ville. Oui, ils leur font une campagne avec l'eau chaude courante au robinet. Pardine, une ascenseur pour les grimpettes. Et des vaches bien élevées qui demandent à faire leurs besoins dans un endroit écarté. Tenez, le kikajan, là, qui est vers le lac, à côté du Rio, qu'on dirait un clapier qui a trop grandi. Vous, docteur? Ouais, juste. Eh ben, tiens, je l'ai pas eu l'année dernière à cause de cette berne. Au département, de nouveau, qu'il m'a fallu aller. Ou bien, si c'était la préfecture, attendez, Oui, c'était plutôt chez le préfet. Mais rapport à quoi? Paraît qu'il y avait des moustiques qui avaient piqué madame. Des moustiques, comme je vous le dis. Et c'est le préfet qui est chargé de tuer les moustiques? Non, de contrôler la lutte contre les moustiques. Oui, il y a une loi pour ça, oui. Avec moi, j'arrive là, je trouve mon docteur, le préfet et deux ou trois scribes du département. Alors, monsieur le syndic, c'est comme ça qu'il y a des moustiques par votre commune? Pas vu que j'y réponds, monsieur le préfet, vous devez connaître le village, on a un peu de tout. On a des vignes, des vaches, des mouches, des gens de Lausanne qui sont en vacances, des moustiques. On ne peut pas se plaindre, on est une commune assez variée. Voilà, mon gaillard, qui le pardon. Vous ne savez pas encore d'apprendre les mesures? Oh, que j'ai fait, moi, vous savez, j'en suis bien revenu. Un temps, il y a eu qu'on se défendait, on les prenait un à un, ces moustiques, et on leur mettait des muselières. Seulement, au jour d'aujourd'hui, on manque tellement de bras qu'on a dû renoncer, ça prenait trop de temps. Et alors, qui me fait d'un ton rogue? Alors, ben, c'est comme on dit, qui se sent piqué, qui se gratte. Oh, le préfet, comme je le connais, il devait joliment rire sous quatre. De temps, il était violet de la nuque à force de se retenir. Mais de face, hein, pas un poil de sa moustache ne branlait. Ouais. Pas le docteur qui parle dans une théorie que les moustiques c'était le fléau du XXe siècle, que ça donnait la tuberculose, et patati, et patata. Oh, ils devaient confondre avec ces mouches, comment qu'on leur dit. Voilà, les mouches tchaïtse. Moi, ça me grabille, perdre 100 ans pour des gamineries pareilles. Je lui ai dit, ma fille, moi, ça fait un peu plus de 50 ans que je vis dans ce village, j'ai toujours eu connu des moustiques. Oui, près du Rio, au gros de l'été. Elles viennent, puis elles crèvent, comme les tavins. Une grosse carin, nous, on en est débarrassé. Si la corde ne vient pas, les supporte 15 jours de plus, et voilà. Quant à la tuberculose, ben, je n'ai jamais entendu dire qu'on n'en est plus dans la commune que dans les autres. C'est plutôt le foie qui nous chicane dans ces régions. Mais ça n'a rien à voir avec ces bestioles. Mais enfin, comme dit le docteur, il faut faire quelque chose, c'est le problème. Oh, le pauvre, celui-là, je le retiens. Oh, je lui ai dit, on peut faire bien des choses. D'abord, faire comme on a toujours fait dans le village, ne pas bâtir au bord de l'eau. C'est pas pour rien qu'on a mis le village un peu à l'écart. Moi, je viens ici pour être au bord du lac. Oui, j'entends bien, chacun son idée. Alors, il y aura un autre moyen. Pour éviter d'être piqué, le plus sûr, c'est encore de ne pas se royaumer tout nu tant que le jour est là. Oh, alors là, tu t'appelles juste. Je l'aurais dit. Chez nous, à la campagne, tout retardé qu'on est, on a conservé cette bête d'habitude de s'habiller un peu. C'est peut-être bien à cause de ça. Vous comprenez les vaches, elles ont leur queue qui leur permet de se défendre, tandis que nous, si un tavant se met dans le creux du dos, eh ben, adieu, je t'ai vu, on n'a pas le moyen de taquiner. Le plus simple, c'est comme je vous dis, mettre une chemise. Ou alors que j'ai rajouté, il y a aussi comment on fait aux chevaux. Dites à votre dame de porter une petite bavette avec des padoillons, vous s'attraper dans le pétrole ou bien une huile comme on a. On vous en donnera 50 s'il n'y a que ça. De manière que quand votre dame sent que ça la démange trop, ben, elle n'a qu'à se secouer un peu, ça lui débarrassera tout le devant d'un coup. Et pour le reste de ma fille, je vous avoue que je ne vois pas très bien ce que je pourrais inventer. À présent, si vous avez une méthode, dites-le toujours, on s'instruit à tout âge. Ça devait être une bien jolie séance. Non, pour des botaniques, comme vous dites. Et encore que je me retenais, parce que si j'avais dit ce que je pensais, je lui aurais répondu tout net. Monsieur le docteur, vous le savez aussi bien que moi, ces bestioles, ça va d'instinct sur ceux qui sentent le plus fort. C'est bon, faut pas être mal poli, hein. Je ne voulais pas le mettre à l'affront. Et ça, c'est bien fini. On a été bon, mais n'est pas un mauvais homme, bien au contraire. Mais tout le monde, il est là tout l'été à se tourner les pouces, lui qui a l'habitude de travailler beaucoup pendant le reste du temps. Il s'empoisonne et il se cherche de l'occupation. Il en est arrivé à croire que ces moustiques, c'était une chose capitale. Et bien entendu, il avait une loi pour s'appuyer. Ah, il y a une loi pour ça, comme sur tout. Sauf quand on en aurait vraiment besoin. Et les lois, c'est comme les amis. Quand on fait boucherie, on en a plein la main, mais le jour où il s'agirait d'un service, les voilà tous joliment occupés ailleurs. Eh ben, avec tes moustiques, tu nous as changé les idées, Zadik. Moi, je me croyais bel et bien planète. Il me semblait bien que tu regardais joliment par la fenêtre. Tu regardais pour voir passer une de ces petites dames de vacances en ultra léger. Mais dis-moi, ça me fait penser, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas comme les autres sauvages en Afrique? Tu te rappelles, on s'envoyait sur les feuilles d'école du dimanche. Moi, je les vois très bien, nos gaillards, se promener vêtus de leurs petits mouchoirs de poche, et puis derrière eux, des gamins, ceux de la colonie de vacances, ça leur fait des petits sous, armés de balais de gueule en train de leur chasser les bestioles. Attends par vous. Vas-tu leur dire quand tu reviens, donc. Hein, quoi qu'il en soit, ça m'a bien déçu en regardant par la vitre de voir qu'on est encore en plein hiver. Tiens, le foutu temps. Je n'ai jamais vu Paris idiot. Oh, papa, autant avoir ce temps que pas de temps du tout. Il faut se faire une raison. Ouais, bien dit. Et puis tant qu'à faire, ce serait le moment d'aller faire un tour par la maison si on ne veut pas que la maman nous chasse les mousses. Santé, conservation. Et dans 15 jours, à l'honneur. Thank you. Thank you.